Alors bonsoir et bienvenue au Centre de l'Universalité pour cette conférence en compagnie de Daniel Kem sur un sujet très populaire puisqu'il s'agit de la réincarnation et que nous sommes en ce moment abreuvés dans les chroniques de Solange Harvey de ce thème justement qui touche la vie après la vie ou la vie après la mort, etc. Alors, je vous fais quelques petites annonces avant que l'on reçoive Daniel Kem. Je vous rappelle d'abord le spécial de la soirée, c'est-à-dire que si vous achetez ce soir à la pause le billet pour la prochaine conférence de Daniel Kem, vous pourrez avoir l'une ou l'autre de ses cassettes sur la liste qui en comporte plus d'une centaine. Alors ça, c'est un spécial pour ce soir. Je vous rappelle également que la prochaine conférence de Daniel, donc vendredi prochain à 20h, aura pour titre « Chez vous, la naissance de l'homme nouveau ». Et que mercredi le 20 août prochain, il y aura un mini-séminaire sur l'organisation qui sera donné par Daniel Kemp. Ce mini-séminaire est gratuit. Pour les personnes intéressées, veuillez vous inscrire. Voyez pour cela Mario à la pause. Et le séminaire, donc, c'est le 20 août à 19h30 en compagnie de Daniel Kemp sur l'organisation. Voilà, alors il me reste à accueillir celui que l'on a surnommé à juste titre le précurseur de l'homme nouveau, Monsieur Daniel Kemp. Daniel, bonsoir. Sur ce thème de la réincarnation, il y a bien des questions. Il y a d'abord à savoir sur quoi on peut se baser pour croire ou ne pas croire à la réincarnation. Est-ce qu'on a suffisamment de preuves scientifiques ou si c'est encore une croyance mystique ou métaphysique? Si c'est un concept nouveau, d'où il nous vient? S'il a déjà été abordé au niveau de l'ésotérisme chrétien ou si c'est une notion qui est fondamentalement oriental. Il y a aussi, comme on en discutait tout à l'heure à table, un aspect peut-être plus poussé. Les gens se demandaient si, dans le fond, le concept de la réincarnation, c'était un concept qui visait simplement à amoindrir nos craintes de la mort, et si, dans le fond, ce n'était pas une façon de fuir une réalité, et si tout concept comme celui de la réincarnation empêcher en fait l'homme de faire véritablement face à la mort, d'en prendre conscience. Alors, on voudrait avoir ton avis là-dessus. Bon, alors évidemment, ça fait plusieurs questions. Au niveau de la chrétienté, la réincarnation a été enseignée jusqu'à Vatican II. Si on regarde dans le Nouveau Testament, de temps en temps, on va voir des personnages demander soit à Jean qui il est, s'il est Élie, donc s'il est la réincarnation d'un prophète. On va demander au Nazaréen s'il est Jean à un moment donné, donc on parle encore de réincarnation. Et on peut voir tout au long du Nouveau Testament des procédures de communication entre les personnes de l'époque qui nécessairement font référence à des mécanismes de réincarnation, du moins de changement de corps avec une continuité de vie. Il n'y a que très peu d'explications à travers les textes bibliques sur la Ça réincarnation, a très l'air peu. tellement évident que tout ce qu'on fait, c'est « Es-tu un tel? » C'est comme je te demande « Est-ce que tu es Nostradamus? » Alors tu me réponds « Non. » Bon, t'es pas ça. « Qui es-tu? » Mais si je te pose la question, c'est déjà clair dans ma tête que la réincarnation existe. Donc, dans la Bible, ça a l'air tout à fait évident. Et c'est à partir de Vatican II qu'il faut croire que ce ne doit plus être enseigné. Est-ce qu'il y a une raison, d'après toi, pour ce changement de cap? Oui, sans doute parce que l'humain a une facilité à devenir paresseux. Et lorsqu'on lui dit que s'il manque sa vie, s'il n'est pas évolutif dans cette vie-ci, s'il n'est pas en relation avec les lois de son Église ou de son Dieu, eh bien, dans sa prochaine vie, il pourra se reprendre. Alors, évidemment, l'humain va donc essayer de jouir de la vie parce que, comme je l'ai expliqué, le danger des énergies, disons, évoluées ou intelligentes d'être terrestrifiées, c'est de prendre goût à la Terre. Alors, l'humain prenant goût à la Terre, il remettait toujours son évolution à une autre vie. Alors c'est un peu la loi du moindre effort, puis ça a pour conséquence les résultats qu'on voit aux Indes Exactement. aujourd'hui. Donc, la réincarnation est un phénomène qui ne devait pas être enseigné, sauf que, n'étant pas enseigné, on devait le suppléer par un enseignement relatif à un ciel, relatif à un paradis, relatif à un nirvana, relatif à un samadhi, relatif à quelque chose, pour donner l'idée, pour donner une raison à l'humain plus ou moins conscient de son évolution, qu'il faisait cette vie pour quelque chose. Parce que lorsque l'humain prend conscience qu'il existe, donc qu'il est vivant, il prend automatiquement conscience de la mort. Tant que l'humain ne sait pas qu'il vit, il n'a pas peur de la mort. C'est comme les animaux, ils n'ont pas peur de la mort. Lorsqu'un éléphant est vieux, il quitte le troupeau, il s'en va s'écraser quelque part et il meurt en paix. Il n'a pas peur de la mort parce qu'il ne conscientise pas la vie. Mais lorsque l'animal ou lorsque l'humain conscientise la vie, automatiquement, il désire conserver la vie. Voulant conserver la vie, il désire ne pas mourir et là va naître la peur de la mort. Si la peur de la mort est que la mort est un gouffre, alors évidemment, il ne pourra pas vivre convenablement, c'est-à-dire qu'il n'aura même plus de fonction évolutive, ni aucune fonction expérientielle. Il va s'écraser et gémir le restant de sa vie. Alors, c'est sur cette peur fondamentale de la mort que ça soit toutes les religions et tous les systèmes religieux. Oui, on n'a pas besoin de religion si on se fout de la mort. Par contre, lorsque l'être humain meurt, il se doit d'être... L'humain veut être là pour quelque chose. Il veut avoir une raison d'existence. Alors, si la raison d'existence, ce n'est pas une fonction cosmique, galactique, universelle ou super-universelle, ça doit être une fonction... Pour que l'humain ait une raison, l'humain a besoin d'être utile à quelque chose. Une mère a besoin de savoir qu'elle est utile. Les enfants, si on leur donne toujours l'impression qu'ils sont inutiles, finissent par ne plus goûter à la vie. C'est la même chose pour l'humain face à sa présence sur le plan planétaire. Alors, il va soit créer un créateur, soit découvrir un créateur, dépendant du point de vue où on est placé. Et l'humain aura automatiquement la découverte de la mort, c'est-à-dire qu'il verra qu'à un moment donné, la vie cesse. Maintenant, quand il découvre que la vie cesse, le problème, c'est qu'il ne découvre pas parce qu'il ne l'expérimente pas. Il ne sait pas si la conscience cesse, lorsque la vie cesse. Lorsque je parle de vie, évidemment, je parle de la vie du corps physique. Alors évidemment, l'humain qui est vivant découvre la mort chez le voisin, mais il ne sait pas si le voisin a encore la conscience de son être-té ou s'il ne l'a plus. Bref, est-ce qu'il a été désintégré dans sa conscience ou s'il est toujours là, conscient, sans corps physique, dans un monde parallèle, un monde des morts ou quoi que ce soit. Vu que l'humain ne peut pas expérimenter la mort sans mourir, et lorsqu'il meurt, il sait, mais il ne peut pas le dire, donc ceux qui restent vivants restent dans le même dilemme, ils ne savent pas plus. Si toi, tu veux me le dire, il faudra que tu meurs. Si tu meurs, tu le sais, mais tu ne peux pas me le dire. Alors, ça ne m'arrange pas, il faudra que je meure moi aussi. Mais étant donné que je ne sais pas si après la mort, il y a quelque chose, je ne veux donc pas mourir. Tout le monde veut savoir s'il y a réincarnation ou non, ou s'il y a extrapolation de vie après la mort. Mais qui est prêt à mourir pour aller vérifier? Personne. Celui qui meurt, ce n'est pas pour vérifier, c'est parce qu'il n'a plus de goût à la vie. Alors, la mort n'a plus de raison, la mort ne lui fait plus peur. L'humain qui se suicide est un humain qui, non pas qu'il n'a plus peur de la mort, on ne se suicide pas lorsqu'on n'a plus peur de la mort, on se suicide lorsqu'on n'a plus d'attrait pour la vie. Parce que c'est la vie qui fait que nous avons peur de la mort. Mais lorsqu'on n'a plus d'attrait pour la vie, eh bien, on ne veut plus vivre. Et la mort, on s'en fout, alors on se tue, on se suicide. Que ce soit un paradis, que ce soit n'importe quel phénomène de ce genre, l'intellect de l'humain finit par, ou la science de l'humain, la science cartésienne de l'humain, finit par essayer d'intelligencer le paradis. Alors, on essaie de voir au microscope ce que peut être le paradis. On essaie d'analyser, on essaie de ranimer des personnes. Alors, on interroge les personnes qui sont apparemment mortes et qui reviennent. Et ils nous parlent d'un monde, mais ils ne nous parlent pas de paradis. Ils nous parlent d'un monde de lumière, ils nous parlent de guides de lumière, ils nous parlent de personnages qu'ils ont connus, ils nous parlent de chaleur, ils nous parlent de choses épeurantes et de choses béatifiantes. Mais n'importe quel humain qui ne meurt pas, qui ne vit pas cette expérience de la presque mort, peut aussi voir, peut imaginer dans son rêve, comme dans son vécu, comme avec la drogue, ce même genre de monde. Alors, ce n'est pas parce qu'une personne est réanimée 3 jours après que ce qu'elle a vu devient scientifique, même si, disons, qu'une certaine partie de la science l'a accrédité comme étant scientifique. Parce qu'en fin de compte, tu peux imaginer la même chose, tout en restant vivant. Moi, je peux me coucher et dire, eh bien oui, j'étais dans un monde, je peux le rêver. Et je peux le croire. Mais est-ce que ça veut dire que c'était un monde typiquement créé par ma psychologie ou c'était un monde avec lequel je peux avoir un contact dans mon sommeil ou dans l'état de transpiration spirituelle quand je suis dans la lune ou quand je meurs. Ça ne veut rien dire. Tu demandais si la réincarnation était maintenant reconnue scientifiquement. C'est extrêmement compliqué de reconnaître une mécanique qui ne fait pas partie du monde de la matière. Vu que l'instrumentation scientifique est une instrumentation matérielle, la matière ne peut pas connaître les choses qui ne sont pas matérielles. Alors, c'est pourquoi l'humain, même si on regarde un électroencéphalogramme d'un cerveau d'humain, on ne peut pas savoir s'il est intelligent ou non. On ne peut pas savoir, on peut dire, tiens, il pense. On peut dire que neuroniquement, il y a un mécanisme électrique. Mais est-ce qu'on peut savoir à quoi il pense? Non. Alors, s'il dit, je pensais une carotte, scientifiquement, on peut dire, c'est faux. Tu ne pensais pas. Prouve-moi scientifiquement que tu penses. C'est pas scientifiquement prouvable que l'homme pense. Mais étant donné que tout le monde pense, alors évidemment, on se dit, on n'a pas besoin de preuves scientifiques. Merde, tout le monde pense. Oui. Mais lorsque l'humain a accès à un savoir instantané et qu'il est le seul ou qu'il est ou fait partie d'un petit nombre d'humains qui ont accès à ce savoir, de quelle façon peut-il le prouver? Ce n'est pas prouvable. Alors, il peut répondre à des questions que personne ne peut répondre, mais encore là, ses réponses ne sont que des théories ou des concepts ou des spéculations pour le monde qui écoute. Donc, il n'y a pas de preuves scientifiques et la science n'est pas capable de prouver la réincarnation, comme elle n'est pas capable de prouver... À un moment donné, la science va être capable atomiquement d'entrevoir des mécanismes qui pourraient permettre d'expliquer des mécanismes, disons, des phénomènes réincarnatifs, comme on peut expliquer la tombe, même si on n'a jamais vu la tombe. Par analogie. Par analogie, exactement. Donc, ce sera des théories un peu comme on a fait avec tout ce qui regarde l'atomicité de notre matière, avec le poids de l'atome et avec tous ces genres de barèmes théoriques. Les physiciens comme Jean Charon, la NIOS de Princeton, qui font des travaux là-dessus, qui, eux, arrivent à des preuves scientifiques, mais par analogie aussi. Exactement. Comme quand on a découvert plutôt, l'atome. On a découvert plutôt pourquoi on l'a découvert mathématiquement. Comment diable, mathématiquement, sur un papier, tu peux découvrir une planète? Personne ne l'a vue. Personne ne sait où elle est, et la mathématique dit que oui, elle existe. Bon, alors évidemment, c'est tout le monde rit. Et à un moment donné, un télescope se braque vers une partie de notre espace et découvre une planète, et qui va maintenant porter le nom de Pluton, parce qu'effectivement, mathématiquement, elle se trouve à l'endroit où elle devait être. Mais on ne l'avait jamais vue. Un peu comme la cabale, qui est la mathématique qui permet de calculer Dieu. Bon, alors elle permet de calculer quoi? Il faut que tu sois scientifiquement spirituel pour arriver à comprendre. Tu ne peux pas être dans un état ou dans l'autre. La réincarnation, c'est un peu le même genre de phénomène. La science est d'accord pour dire, on a rencontré différents scientifiques, j'en ai connu quelques-uns, que tu connais aussi, qui viennent de France, qui viennent d'autres parties de notre planète, et qui sont tous d'accord pour dire que rien ne se perd et que rien ne se crée. Alors déjà, si rien ne se perd et rien ne se crée, c'est qu'il y a une continuité, même s'il y a une transformation de la forme. Ils appellent ça, eux autres, un recyclage. Ouais. Alors, si rien ne se perd, rien ne se crée, cela veut dire que au niveau de l'humain, non plus, rien ne se perd, rien ne se crée. Maintenant, l'arbre qui ressemble à un arbre, lorsqu'il est devenu des planches pour faire une armoire, il ne ressemble plus à l'arbre. Il ne peut pas avoir de branches, il ne peut pas procréer d'autres armoires. C'est fini. Alors, on se demande, d'accord, bon, alors l'humain meurt. Ses molécules biologiques, ses molécules organiques deviennent autre chose. Ça n'est pas désintégré. Mais qu'est-ce qui arrive avec ce qui anime l'humain? Est-ce que ça fait partie de la loi matérielle de rien ne se perd, rien ne se crée? Est-ce que ça, c'est de la matière qui va aussi être transformée en fourmi rouge ou entre autres choses? Ou bien s'il y a quelque chose? Bon, scientifiquement, tous les savants de notre planète, donc ceux qui ont la science de la connaissance, évidemment, non pas les savants qui ont le savoir instantané, cela ne se pose pas de question. Ils répondent, ils ne se posent pas de question. Donc, les savants qui ont la science de la connaissance sont tous d'accord pour dire scientifiquement que c'est évident qu'il y a quelque chose avant, il y a quelque chose après. Ils ne peuvent pas en connaître les mécanismes, ils ne peuvent donc pas accréditer la réincarnation ou non, le paradis ou non, mais ils sont tout à fait tous convaincus qu'il y a des lois, disons, régies par quelque chose d'autre que l'humain, qui dirige notre plan matériel. Ils ne sont pas tous prêts à appeler cette loi ou cette intelligence directionnelle Dieu. Certains l'appellent Dieu, certains l'appellent énergie universelle, certains l'appellent ce que tu voudras, mais les savants découvrent qu'effectivement, il y a quelque chose qui permet aux molécules du verre de rester le verre. Il y a quelque chose qui permet des choses. Parce que le savant découvre la graine, découvre qu'en la plantant, il pousse du blé, il ne connaît pas tout à fait la science de la germination. Il voit biologiquement ce qui se passe et il dit que ce sont des lois qui régissent cela. Mais il ne connaît pas l'instigateur des lois. Il ne connaît pas non plus le paramétreur des lois. Pourquoi la loi ne change pas? Alors, on sait très bien que lorsqu'on boit de l'eau, ça ôte la soif. Pourquoi avons-nous besoin d'eau? Ah, parce que le corps est fait d'eau. Mais pourquoi le corps ne serait-il pas fait d'autre chose que de l'eau? Il y a des différentes choses qui finissent par, exactement, je parle du vieillissement, on se coupe. Alors, il y a des cellules qui ont comme fonction, pourquoi elles ont comme fonction de faire des cicatrices? Les cellules cicatricielles, le tissu cicatriciel. Pourquoi? Bien, c'est comme ça que ça marche. Toute notre science, elle peut dire ceci. C'est comme ça que ça marche. Le soleil fait ceci, il fait cela, il y a les photons, il y a les ultraviolets qui viennent amener des cancers de peau, qui viennent permettre, la transformation du CO2 en oxygène et en sucre par les plantes. Pourquoi? C'est comme ça que ça se passe. Bon, alors la science, elle est tous d'accord pour dire c'est comme ça que ça se passe. Pourquoi il faut tant de kilos de kérosène pour pouvoir envoyer propulser une fusée dans l'espace? Parce que la force de gravité, on peut la calculer, on peut faire ceci, on peut faire cela, on peut faire cela, on peut faire cela, et ça marche. Mais qu'est-ce qu'elle fout, la science? Qu'est-ce qu'elle vaut, la science? Elle ne connaît que le principe actif, mais elle ne connaît pas le principe causal. Et la science est d'accord pour dire qu'il y a une cause, mais elle ne connaît pas la cause. Bon. Alors, scientifiquement, la réincarnation, elle est admise par la spiritualité des scientifiques, mais elle ne peut pas être admise par la technologie des scientifiques. D'accord? Bon. pourquoi Vatican II? Pourquoi avons-nous, à un moment donné, Vatican II n'a pas dit que la réincarnation n'existait pas, il a demandé à ses prêtres, il a ordonné plutôt à ses prêtres de cesser de l'enseigner. On n'en parle plus. Un peu comme à un moment donné, on a cessé d'exorciser. Est-ce que le diable n'existe plus parce qu'on n'exorcise plus? Parce que les prêtres, maintenant, ont peur de parler du diable? Ça n'a rien à foutre, mais il y a des mécanismes qui, à un moment donné, animaient l'évolution spirituelle des humains et qui, après un certain temps, ne l'animent plus. Bon, ce sont des transformations, d'accord. Mais est-ce que ça veut dire que ça n'existe plus parce qu'on n'en parle plus? Il faut faire attention. En Orient, surtout, la réincarnation est un mécanisme tel qu'on la connaît, disons, au niveau publicitaire, c'est une forme qui nous vient de l'Orient. Les Japonais croyaient à la réincarnation. Les Vikings croyaient évidemment à la réincarnation. Mais surtout les Japonais, les Chinois, les Hindous. Ceux-là, surtout, évidemment, si on regarde l'Antique Égypte, on parle énormément de réincarnation aussi. Mais prenons d'où vient le concept de la réincarnation qui nous anime aujourd'hui. Ça vient de l'Orient. Lorsque l'humain vit bien dans une vie, il se réincarne bien dans l'autre vie. Lorsque l'humain vit mal dans une vie, il se réincarne mal dans l'autre vie. Qu'est-ce qui détermine le principe de la réincarnation? C'est le karma. Ce que tu fais, tu auras à le payer. Là, je ne dis pas ce que moi je pense, je dis ce que l'Orient pense. Et maintenant, ce que l'Occident accepte. Alors, cela veut dire que si, et en Orient, on a toujours exprimé la réincarnation de cette façon, si tu es un riche et que tu n'aides pas les pauvres, dans ta prochaine vie, tu vas en être pauvre. Pour pouvoir souffrir, payer et apprendre que tu aurais dû aider. Mais il se trouve qu'on a 80 riches pour 800 millions de pauvres. Alors, les 800 millions de pauvres devraient donc tous naître riches dans la prochaine vie. On aurait 800 millions de riches et 80 pauvres. Mais ça ne se passe pas comme ça. Alors, malgré que ça ne se passe pas comme ça, on continue à enseigner le principe karmique de la réincarnation. Il faut bien comprendre que la réincarnation n'est à peu près pas karmique. Elle est karmique, mais elle n'est pas individuellement karmique. Autre chose. Lorsque tu meurs, tu reviens. Pourquoi tu ne te rappelles pas de ta vie antérieure? C'est la question que la science demande à l'Orient. C'est beau la réincarnation, c'est un principe, c'est une théorie qui se peut. Autant que ça se peut qu'il n'y ait plus rien, autant que ça se peut qu'il y ait le ciel, autant que... Mais on ne le sait pas. Donc, on accepte des théories. Si on veut attaquer le ciel, on pose des questions. Et s'il n'y a pas de réponse donnée, on pense que la théorie n'est pas valable. Et c'est valable de penser comme ça. Mais maintenant, si on attaque la réincarnation, il faut aussi poser des questions. Pourquoi, si tu te réincarnes, tu ne te rappelles pas de tes vies antérieures? Alors, là, l'Orient va répondre. Bon, parce que si tu as été, par exemple, à un moment donné dans ta vie antérieure, tu as tué quelqu'un en passant dessus avec un cheval parce que tu avais bu et ta diligence ou ta carriole, tu ne la maniais plus, tu as tué quelqu'un. En tuant cette personne, toi, tu es tombé et tu t'es tué. Te réincarnant, tu dois maintenant apprendre les leçons, donc payer ce que tu as fait. Alors, il ne faut pas que tu te rappelles ce que tu as fait parce que tu vas contourner tes leçons. Et c'est la réponse de l'Orient au fait pourquoi vous ne vous rappelez pas. Certains m'ont parlé aussi de Lot lorsqu'elle a fui Sodome, Gomorre. Elle ne devait pas se retourner en arrière, sinon elle serait transformée en statue de sel. Et puis bon, elle s'est retournée en arrière pour jeter un brin de sourcil, puis paf, en sel. On l'a sculpté depuis le temps, puis on s'en sert à faire de la soupe. Bon. De la soupe spirituelle, évidemment. Si on avait la mémoire de... Bon, si le principe de la réincarnation, ton concept, là, se vérifie dans la réalité, si on avait la mémoire de toutes ces incarnations... successives depuis 2 ou 3 millions d'années, depuis qu'apparemment l'homme existe. Il y aurait une bonne chose et un gros danger. On n'aurait plus d'individualité ou de personnalité, on ne saurait plus qui on est, on serait totalement mêlé. Ça, c'est une partie du grand danger, et l'autre partie, c'est que ça confirmerait la réincarnation. C'est une bonne chose, on serait sûr qu'on se réincarne, et alors là, on pourrait dire, bon, ben là, on va foirer aujourd'hui. Maintenant, je sais que je me réincarne. Hein? Fait, pourquoi évoluer maintenant? Jouissons de l'électronique. Regardons des vidéos, tripons comme on veut. Puis après ça, moi, je vais tuer quelqu'un pour amasser de l'argent, puis ça, on me pogne pour me tuer. C'est pas grave, je reviendrai, on va recommencer mieux. Hein, on va réussir à faire un vol sans manquer mon coup. Alors, l'humain aurait même plus de respect de l'utilité de la vie. Alors, moi, je rentre dans une banque, je descends tout le monde, je prends l'argent. De toute façon, le monde, j'ai pas tué, ils vont se réincarner. Ça change quoi? Bon, ils vont simplement naître ailleurs. Puis moi, si je sors pour me tuer, ben, je m'en fous, je vais renaître, puis je recommence un vol de banque. Alors, en fin de compte, pourquoi l'Orient répond à ça? Et effectivement, on ne se rappelle pas de nos réincarnations. Mais ce n'est pas pour ça. Il se trouve qu'on s'imagine toujours, et ça, c'est un grand danger, on s'imagine toujours que tout est relié à un plan moral, spirituel ou émotif. Dernièrement, je disais que l'amour, ce n'est pas une émotion. Bon, l'amour, ce n'est pas une émotion. C'est un mécanisme, c'est une mécanique. Pas une émotion. Donc, ça peut être régi par l'intelligence, non pas par le plan émotif. L'évolution, c'est pareil. Pourquoi ne pas tuer les autres? Bien, à cause que ce n'est pas bien. Non, on parle de concept moral. C'est pas pour ça. C'est une mécanicité. Il y a des raisons intelligentes. La réincarnation, on l'a toujours enseigné en Orient, en Occident, on est allé puiser l'Orient parce que dans nos religions, parce qu'imaginez-vous bien que l'Occident a intellectuellement évolué plus rapidement que l'Orient. Alors, l'Occident s'est donc posé des questions qui remettaient en question leurs croyances, tandis que l'Orient, la tradition, on ne posait pas de questions, c'était traditionnel, c'était bon. Pourquoi c'est bon? Parce que nos pères l'ont toujours fait. Ah, impeccable. Sauf qu'en Occident, avec le développement de notre intellect, pourquoi c'est bon? Parce que nos pères l'ont toujours fait. Oui, mais s'ils sont trompés, ah ben là, on est fait. Les Orientaux ne se sont jamais posé une question comme ça. Jamais, ils oseraient. Ils se feraient récrire plutôt. Tandis qu'ici, on se la pose. On se la pose et à un moment donné, on trippe sur ce qu'on pose comme question. Mais on découvre qu'en posant cette question, il nous faut des réponses parce que notre trip, il dure pas longtemps. Alors, lentement devient altérable nos concepts religieux. Lentement, on finit par se dire, et ça, les personnes qui ont été en Orient, les Occidentaux qui ont été en Orient et qui ont ramené la réincarnation ont pu commencer à attaquer le concept même du ciel en disant ceci. Si Dieu est parfait et juste, pourquoi n'es-tu handicapé? Pourquoi naissez-vous malade? Pourquoi naissez-vous ceci? Pourquoi naissez-vous riche ou pauvre? Où est la justice de Dieu? Ah, ben il y a la réincarnation et le karma. Ah, là, ça explique tout. Dieu nous a tous fait égal et parce qu'on a tous fait des conneries différentes, de maintenant, nous sommes tous rendus différents. Alors, ça l'a accrédité la réincarnation au niveau du concept occidental. L'Occident est allé chercher la réincarnation, non pas pour pouvoir différer sa vie, mais parce qu'il avait pris, conscience, par sa matière, que la vie était gustative. On pouvait jouir de la vie. Les Orientaux ne jouissent pas de la vie. Ils ne s'en plaignent pas, mais ils n'en jouissent pas. Alors nous, on s'est dit, alors maintenant, si je meurs, ça devient encore plus catastrophique parce que j'ai des amis, j'ai des contacts, j'ai une auto, j'ai des habits, j'ai du plaisir. Alors là, maintenant, je ne veux plus mourir. Et comme le ciel devient intellectuellement difficile à goûter, il me faut une raison qui intellectuellement pourrait expliquer. Et là, la réincarnation, on est allé chercher la réincarnation chez les Orientaux, spécialement pour pouvoir mieux dormir la nuit. Les Orientaux l'avaient comme concept évolutif et ils ont toujours basé leur vie là-dessus. Tandis que les Occidentaux, la réincarnation, ils n'ont jamais basé leur vie sur le théorème ou sur la théorie de la réincarnation. Ils s'en sont servis pour pallier aux questions intellectuelles. Pourquoi je vis? À quoi fout la mort? Un peu comme du Valium. Exactement, exactement. Pour pouvoir mieux dormir. Parce que tu as peur de te réveiller mort. Bon. Maintenant, qu'est-ce que c'est que cette réincarnation? La réincarnation telle qu'on l'amène aujourd'hui, plusieurs personnes peuvent maintenant l'attaquer et on ne peut pas répondre. La réincarnation, est-ce qu'elle est réellement régie par ton évolution? Si tu donnes à beaucoup de monde, dans ta prochaine vie, on va tout te donner. Bon, alors tu commences à donner et tu es intellectualiste, alors tu te dis, oui, mais d'un coup, c'est pas vrai. Je donne tout puis j'aurai rien. Surtout à la messe le dimanche. Oui, ça s'en donne de moins en moins, maintenant, il faut payer des taxes. Alors, ce qui arrive, c'est que l'humain a voulu accepter un théorème de la réincarnation, celui où toi, tu meurs, tu sors dans un monde, tu es toi, mais plus de corps. Tu as un corps astral similaire au tien. Il faut croire que tu aimes le tien, hein? Tu pourras même imaginer que tu n'as un similaire au tien. Autrement dit, s'il y aurait un miroir, tu te reconnaîtrais. Bon, c'est important. Si tu ne te reconnais plus, tu as l'impression que c'est plus toi. Bon, alors tu te reconnaîtrais. Et là, tu vas dans un monde purgatoriel, ou dans un monde moronciel, ou dans un monde astral, ou dans un monde des morts, c'est dépendant des terminologies de chacun. Et dans ce monde, eh bien, on revoit tout ce qu'on a fait de bien et de mal, et on apprend à trier, théorème encore occidental-oriental. Et une fois que cela est fait, eh bien, on se repose. Je n'ai pas l'idée du repos au niveau astral, mais enfin, on se repose, supposément. Ça, c'est pour essayer de comprendre que tu ne peux pas réincarner 2 secondes après ta mort. Fallait donc que tu te poses quelque chose. Comme une convalescence. Oui, tu te reposes. Après ce repos, tu observes la planète Terre et là, tu détermines ce que tu as besoin d'apprendre et là, tu vas décider quel corps tu vas avoir, dans quelle famille tu vas naître et tous les événements qui vont suivre. Tu vas décider ce que ton père va faire, ta mère va faire, parce que le nombre de frères, le nombre de sœurs, tous les événements qui vont suivre. Mais là, ça devient... T'as plus besoin de te réincarner. Un enchantement absolument irréalisable. Mais si tu sais tout ce qui va se passer à l'avance quand tu signes le contrat pour redescendre... Mais c'est pour ça que tu oublies tout quand tu reviens, supposément. Ah, bon. Comme ça, là, vu que tu as tout oublié, ben c'est réglé. Donc, il y a une censure qui s'opère au niveau de la mémoire. Là. Et là, si l'intelligence intervient, elle va dire, si tu vois tout ce que tu as besoin d'apprendre, c'est que tu le sais. Si tu le sais, c'est que tu le sais. Donc, tu l'as appris. Alors, pourquoi maintenant retourner, oublier ce que tu as appris pour aller le réapprendre? C'est un fait. Pensons-y convenablement. Vous vous dites, si je n'ai là, je vais apprendre telle chose. Donc, vous savez, si vous êtes dans le monde des morts, que c'est nécessaire. Et si vous le savez, que vous êtes capable de le faire, c'est que vous le vivez. Si vous le vivez, vous n'avez plus besoin. Je n'ai plus besoin, pourquoi le faire, puis pourquoi revenir, et pourquoi oublier pour devoir y apprendre ce que vous saviez. Alors donc, il y a un problème. Parce que ce n'est pas comme ça que ça marche non plus. Là. Mais ça, c'est la réincarnation telle qu'on l'enseigne. Sans trop poser de questions. Vous-même que ça rassure l'humain, les questions n'en posent plus. Quand ça commence à plus rassurer, on commence à poser des questions. Bon. Alors tu reviens, tu as tout oublié. Et normalement, tu vas essayer de retrouver ceux que tu as connus dans ta vie antérieure. Mais t'imagines-tu, après 20 réincarnations, combien de milliers de personnes il faudrait que tu recherches? Parce que celui que tu as connu, v'là 20 vies antérieures. V'là 19, v'là 18, v'là 10, bon, etc. Alors, ça crée des conflits. Et il y a autre chose. L'humain, aujourd'hui, veut se prouver que la réincarnation existe. S'il ne peut pas prouver la réincarnation postérieure à la mort, il va essayer de prouver celle qui est antérieure à la naissance. Alors, il s'en va se coucher chez un hypnologue. C'est vache devant lui. Et là, l'hypnologue l'hypnotise. Et puis, on essaie de faire une régression. Une régression dans les vies antérieures. Alors, on ne croit plus aux vies antérieures, on est sûr. Parce qu'on ne fait pas une régression dans une croyance. Et là, la personne, elle revient. Et le premier livre qui a été écrit sur ce genre de choses, ce n'était pas hypnotiquement parlant, enfin, c'est accidentellement, ça a été Bridie Murphy. Bon. Cette personne, à un moment donné, elle a eu dans sa mémoire des connaissances d'une région de l'Angleterre, je crois. Et là, elle a vu des villages, son village, enfin, elle a vu des choses, elle a reconnu du monde, elle a parlé des accidents, des morts, elle a parlé de ce qui s'était passé là. Et lorsqu'on la réveillait, ben, elle ne se rappelait plus trop de rien. Mais la personne qui, à un moment donné, travaillait avec elle, est allée vérifier sur place pour voir si, effectivement, les noms des personnes qu'elle a nommées ont existé, si ça s'est passé, etc. Et ça s'est avéré à 90% tous vrais. Et là, on a écrit le livre à la recherche de Bridie Murphy. Et ça a été la première fois qu'on a voulu amener une preuve des vies antérieures à partir d'un mécanisme de régression. Aujourd'hui, ça devient de plus en plus fréquent et j'ai même vu dernièrement de la publicité dans certains livres, pas d'homéopathie, mais quelque chose dans le genre, régression dans les vies antérieures, tant de dollars et puis etc. Bon. Le problème, c'est que plus l'ego d'un humain est puissant, plus il a été quelqu'un d'important dans ses vies antérieures. Alors, cela veut dire qu'une personne, elle a, si je lui dis, toi, dans ta vie antérieure, tu as été un trou de cul. Non, là, réincarnation, mon œil, hein? Mais dans ta vie antérieure, tu as été l'un des grands amirals de la flotte anglaise. Ah, ça se peut. J'ai toujours aimé l'eau, moi. J'ai appris la voile en 2 ans, fait que j'ai appris ça vite. J'aime faire bateau, oui, ça se peut. T'as été un trou de cul qui ramassait, qui nettoyait les toilettes dans telle seigneurie. Et tu as passé ta vie comme ça. Et tu es mort noyé dans un bol de toilette. Tu sais, franchement, le gars qui m'a hypnotisé, là, il vaut rien. Alors donc, ça amène à un autre problème, c'est qu'on est prêt, comme toujours, à jouer sur notre émotivité pour essayer de connaître une science. On veut entendre que ce qui fait notre affaire, encore une fois. Oui. Alors, combien sont la réincarnation de Napoléon? Plusieurs. Combien sont la réincarnation du Nazaréen? Plusieurs. On en a déjà vu aussi du monde des réincarnatifs du Nazaréen, qui s'appelle Maitreya ou qui s'appelle ce que vous voudrez. Bon. Et quelle que soit la personne, si on l'hypnotise, on est capable d'aller fouiller des choses. Puis à un moment donné, si on vous hypnotiserait tous, on se rendrait compte que vous avez tous des antécédents similaires dans certaines places. Alors, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous faites simplement un voyage astral, c'est-à-dire que vous vous connectez à la mémoire planétaire? Donc, vous êtes capable de savoir ce qui s'est passé dans un endroit, mais sans jamais avoir été une personne plutôt qu'une autre. C'est ce qui se fait aussi. Alors, moi, je peux hypnotiser quelqu'un et lui dire, « Bon, alors, tu es Capitaine Kirk. Conte-moi ce qui se passe. » Ah, là, s'il a vu les vues, ou bien, s'il les a pas vues, il va être capable d'aller fouiller dans ce qui a été laissé dans la mémoire de la collective astrale de la planète, et il va être capable de te conter ça. Alors, il peut revenir et dire, « Crime, je suis la réincarnation de Capitaine Kirk. » Là, on va dire, « Non, lui, c'est un personnage de roman. Il n'a jamais existé. » Mais il y a même des personnes qui ont déjà été convaincues d'être Sherlock Holmes. Et Sherlock Holmes n'a jamais vécu. Et on a déjà eu même un très bon détective anglais qui se disait la réincarnation. Robin des Bois, est-ce que ça a existé ou non? Non, c'est une fable. Sa vie se passe à l'époque de Richard Cœur de Lion. Lui a existé. Et on a plusieurs exemples comme ça. Yvan Noé qu'on a connu, est-ce que ça a existé ou non? Robinson Crusoe, est-ce que ça a existé ou non? Mais il y a du monde qui se dit la réincarnation de tout ça. Robinson Crusoe n'a jamais existé comme tel. L'île sur laquelle se passe son histoire, Fernandez, c'est une île qui servait souvent on débarquait des mutins, on débarquait des personnes, les pirates débarquaient du monde qu'ils ne voulaient plus avoir. Et ils se faisaient ramasser 1 ou 2 ans après. Tandis que Robinson Crusoe, l'histoire, c'est le réel. Et le gars qui l'a rescapé, un bonhomme sur le bateau qui l'a rescapé, Daniel Defoe, a imaginé l'histoire de Robinson Crusoe, sauf qu'il l'a placé sur l'île San Fernandez. Bon. Mais il y en a qui se croient la réincarnation de Robinson Crusoe. Cela veut dire qu'on est la réincarnation de choses mémorielles. Ça, c'est scientifiquement, on peut au moins amener ça. Tout le monde peut être la réincarnation de ce qu'il veut dans le passé. L'humain a besoin d'avoir été quelque chose pour pouvoir dire « Moi, j'ai été un tel, donc quand je vais mourir, je vais encore savoir qui je suis. » Le problème, c'est que la réincarnation ne se fait absolument pas telle qu'on l'a enseignée. Et chaque fois que moi, j'en parle dans mes séminaires, il y a des personnes qui pleurent, il y a des personnes qui grimpent sur les tables, des personnes qui veulent sortir, des personnes qui veulent me rentrer dedans. Pourquoi? Parce que si c'est pas le ciel, c'est la terre. N'est-ce pas? Après la mort. Si on ne va pas quelque part dans un autre monde, on revient sur la planète Terre. Il y a une nouvelle mode qui dit que c'est plus le ciel, c'est pas la Terre, c'est notre planète. Mais ça revient au même. Alors, ou bien on revient matérialisé dans un corps sur un contexte terrestre, planétaire, disons, si c'est la Terre ou une autre planète, on s'en fout. Ou bien on reste dans un monde où on est assis à la droite du Père, et comme disait Yvon Deschamps, la droite du Père, c'est où quand le Père est tout partout? Alors, évidemment, il faut chercher. Cela veut dire que l'être humain essaie simplement de se sécuriser. Et lorsque moi, je décide de faire une conférence sur la réincarnation, ce n'est pas pour sécuriser l'humain. Ce n'est pas pour lui faire peur. C'est pour parler de ce qui se passe. Bon. Maintenant, qu'on me demande, tu dis parler de ce qui se passe, mais c'est aussi une théorie. Bien, évidemment, c'est une théorie pour ceux qui vont écouter. Ce n'est pas nécessairement une théorie pour celui qui parle. Bon, la réincarnation, telle qu'elle se vit et telle qu'elle peut être scientifiquement éprouvée, telle qu'elle peut être... On peut essayer d'agresser ce théorème sur la réincarnation avec n'importe quel genre de question et on va se rendre compte qu'il n'y a pas de questions qui ne peuvent être répondues par ce que vous pourriez appeler une nouvelle théorie sur la réincarnation. Parce que ce n'est pas une théorie sur la réincarnation dans le temps présent. L'humain ne s'est jamais réincarné tel qu'il a toujours cru ou tel qu'il a toujours voulu. C'est-à-dire que lorsqu'un humain meurt, il ne se réincarne jamais comme il a été lorsqu'il est mort. Lorsque Napoléon est mort, s'il s'est réincarné, ce n'est pas Napoléon qui s'est réincarné dans un autre corps où dans la conscience de ce Napoléon réincarné, on a coupé la mémoire de sa vie antérieure. Parce qu'il faut bien comprendre que si Napoléon se réincarnait dans un autre corps sans sa mémoire de la vie antérieure, il aurait la même psychologie. C'est-à-dire qu'il serait devenu un autre chef. Ça va de soi. Si vous restez tel que vous êtes et que vous oubliez ce que vous avez fait, ça ne vous empêchera pas d'être ce que vous êtes. Le gars qui est colérique, qui se réincarne, il va être autant colérique, il ne se rappellera plus ce qu'il a fait, il va rester ce qu'il est. S'il ne reste pas ce qu'il est, c'est que ce n'est pas lui qui se réincarne. Du moins, ce n'est pas lui intégralement qui se réincarne. Si c'est pas lui intégralement qui se réincarne, c'est qui ou c'est quoi? Jules César, s'il s'est réincarné, serait resté un chef. Même s'il a oublié ses armées et ses troupes, il serait resté un chef. Alors certains vont dire, Philippe de Macédoine avait un défaut à une main. Napoléon avait un défaut à une main. Alors Philippe de Macédoine, l'un des grands conquérants, se serait réincarné dans Napoléon. Et il est aussi resté un chef. Sauf que Napoléon n'avait rien dans sa psychologie de ce que Philippe de Macédoine avait. Il n'avait pas la même sagesse, il n'avait pas le même désir de conquérance pour les mêmes choses. Ils étaient tout à fait différents, à part peut-être la main. Alors, si vous vous regardez chacun, tous ceux qui ont les mêmes yeux, c'est que vous êtes la même réincarnation. C'est pas à cause qu'un a une main manipulée, disons, déformée, et que l'autre avait une main déformée que c'est la réincarnation. Mais ça, on essaye d'amener des choses comme ça. Si moi, je suis une personne qui adore jouer, je joue de l'argent. Si je meurs et que je me réincarne, j'oublie que je jouais. Mais je suis moi. Si je suis moi, je vais encore aimer jouer. Et il se trouve que c'est pas ça qui se passe. Parce que tous les imbéciles de l'Antiquité, tous les massacreurs, tous les tyrans majeurs de l'Antiquité ont tendance à disparaître. L'humain change. Mais l'humain change beaucoup plus de par sa naissance que de par sa vie. Alors l'humain, s'il se réincarne, il ne se réincarne pas intégralement. Ce que vous êtes aujourd'hui, vous ne l'avez jamais été dans vos vies antérieures. Et lorsqu'on fait une régression dans les vies antérieures, on découvre que vous avez été une personne, une autre, une autre, une autre, une autre, et on peut s'amuser. Mais ce qui est intéressant de savoir, c'est que si on hypnotise une autre personne sur la planète, il se trouve qu'il peut avoir été de temps en temps les mêmes personnages que vous. Autrement dit, si j'hypnotise quelqu'un ici, il peut, à un moment donné, avoir une connotation, avoir été un Chinois relativement important, intéressant, qui a été disciple de Lao Tzu. Et j'hypnotise une autre personne à Vancouver, et elle aussi, elle a été la même personne que vous. Alors, on va dire, alors, il y a une coloration astrale, ou ben non, il y a quelqu'un qui est télépathe, ou ben non, absolument pas. Il est fortement possible que vous, ainsi que l'autre, soyez la réincarnation d'un personnage. Et comme je l'ai dit souvent en conférence, lorsque je ne faisais que contourner la réincarnation, à chaque décennie, on a des naissances qui sont similaires. Et l'exemple que je donne le plus fréquent, c'est le plus facile à comprendre, c'est qu'à un moment donné, on a une personne, un enfant qui a 3 ans, joue comme Mozart. Et on en a 12 autres, dont 3 aux États-Unis, 2 en URSS, 1 en Angleterre, 4 en Allemagne. Il y aurait donc 12 réincarnations de Mozart en même temps. Et c'est un fait, il y a 12 réincarnations de Mozart en même temps. Alors Mozart se réincarnerait dans 12 individus, mais les 12 individus sont différents entre eux. Cela veut dire que le Mozart de l'Allemagne n'a pas du tout la même psychologie, la même conscience que le Mozart américain. Et pas de par leur éducation, de par leur nature. Ils seront 2 personnages différents, et les 12 Mozart seront différents. L'un sera pacifique, l'un sera spirituel, l'autre sera inventeur. Un va jouer du piano à merveille, il va s'écarrer le jeu de jouer du piano, il voudra être mécanicien. L'autre va être un guerrier, et l'un va être musicien. Alors ces Mozart ne jouent pas comme Mozart, c'est-à-dire ne vivront pas comme Mozart. Lorsque j'explique cette mécanicité réincarnative aux humains, lorsque, en séminaire, il y a un savant, il y a un médecin, il y a quelque chose comme ça, ça lui plaît. Ça explique tout, ce que le reste n'explique pas. Mais lorsque j'en parle à des humains qui ont trop d'ego, qui ont besoin d'être sûrs, comme par exemple tous ceux qui sont venus ici ce soir pour pouvoir être assurés du fait qu'ils vont continuer à vivre, normalement, ces personnes ont de la difficulté. Il est bien évident que l'humain continue à vivre, sauf que l'humain ne continue pas à vivre comme il vit, comme il est, ou comme il a été. Et ça devient impressionnant, ça devient perturbant chez l'humain normal, chez l'homme ancien, pour la simple raison que celui-ci veut être lui tout le temps. Et c'est pourquoi il a peur de la mort. Il a même peur de l'évolution. C'est donc plutôt l'expérience qui se réincarnerait plutôt que l'identité de la personne. C'est exactement ça. C'est chiant, mais c'est... Cette expérience-là, elle peut être fractionnée dans différents véhicules. C'est bien. Maintenant, je vais expliquer aux autres. C'est bien. Bon. Lorsque l'humain, dans une vie, vit, il accumule de l'expérience. Il mémorise. Il apprend. Il a de la connaissance. Lorsqu'il meurt, qu'est-ce qui arrive avec tout ce qu'il a appris, fait, expérimenté, mémorisé? Qu'est-ce qui se passe avec tout ça? Mais tout ça, c'est en fin de compte lui. Toute votre expérience, vos émotions accumulées, ce que vous avez vécu, ce que vous avez appris, ce que vous avez découvert, c'est ce qui vous constitue vous. C'est vous. Et lorsque vous mourrez, qu'est-ce qui arrive avec ce vous? Ben, il arrive ceci. C'est que vous allez quitter le monde physique, le monde de la matière. Votre corps, amique, votre âme, c'est aussi ce qui est appelé l'âme dans la religion. L'expérience émotive, mémorielle. Votre âme va s'en aller dans un monde qui porte le nom purgatoire, qui porte le nom du monde des morts, on s'en fout, qui porte un nom. Une région où l'enveloppe de votre âme ne pourra pas pénétrer. Et l'être humain a une enveloppe à son âme qui lui permet de se rapprocher d'une autre âme en restant lui. C'est-à-dire que vous êtes capable d'approcher un humain et rester vous autres, apparemment, selon dans votre expérience. Celui qui est extrêmement influençable, c'est que l'enveloppe de son âme est tellement mince que lorsqu'il approche quelqu'un, il devient l'autre. Je donne un exemple. Vous approchez quelqu'un qui vient de France. Alors il a un langage relativement particulier, dépendant de la région de France, d'où il va venir. Et à un moment donné, n'est-ce pas, vous parlez avec, et puis là, vous prenez le même accent. Puis là, vous dites, merde, je ne veux pas l'insulter. Vous dites, alors, oui. Pourtant, vous dites jamais ça. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe simplement qu'il y a une coloration. Sa personnalité a légèrement pénétré chez vous. Et là, vous vous en prenez conscience et vous résistez. Mais on a des personnes tellement influençables que lorsqu'ils rencontrent quelqu'un, ben, ils deviennent comme lui, font comme lui. Il y en a qui regardent les vues, le cinéma, et après avoir regardé une vue, quand j'étais jeune, j'allais voir une vue de Bruce Lee. J'ai vu un paquet de personnes rentrer, le dos plié, toute défaite, mais quand ça sortait de là, hein, les coups de pied, les poings, ça s'en allait, les pneus des chars criaient, ouais donc. C'est ça, être influençable. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que ce qui a été vécu dans l'écran a fini par être accolé mémoriellement aux individus. L'individu le plus influençable a commencé à vivre ça. Le vivant, c'était dans son âme. Automatiquement, ça a influencé les personnes autour. Et lentement, toute la salle au complet embarque. Je donne un autre exemple. Vous allez dans un cinéma et à un moment donné, quelqu'un qui se met à applaudir. Puis là, vous voyez, il y a une vague d'applaudissements qui vient. Pourquoi ça applaudit pas tout en même temps? Parce que c'est pas tout le monde qui veut applaudir. Mais parce que ça applaudit, que la vague vient, que lui commence à applaudir et l'autre, puis là, moi, j'embarque, puis lentement, ça s'en vient, la vague. Quand je jouais au baseball, donc quand je jouais pas, j'ai été une fois au Parc Jarry, un billet que un de mes amis avait gagné chez l'O'Neill, qui nous avait placé dans le fin fond du Parc Jarry. Alors, évidemment, les joueurs sont gros comme ça. Et puis là, à un moment donné, on regardait ça, et puis là, des coups, on entendait « Ray! » Ça faisait tout le tour « Ray! » Puis là, c'est arrivé où ce qu'on était. Fait que là, on savait pas l'applaudissait. Personne n'avait rien vu. Bon. Parce que ça applaudissait, c'est que quelqu'un va frapper, hein? Bon. Ce qui arrive, c'est que cette enveloppe de l'âme, plus elle est épaisse, plus l'être humain reste ce qu'il est. Et cette enveloppe de l'âme, elle est créée par de l'énergie vitale. Plus l'humain est fatigué, moins il a d'énergie vitale. Moins il a d'énergie vitale, plus il est influençable. Bon. Lorsque l'être humain meurt, la vie quitte le corps. La vie, c'est l'énergie vitale, c'est l'enveloppe vitale, c'est le corps vital, dans lequel va être maintenue l'âme, la mémoire. Lorsque ce corps vital arrive au monde des morts, appelez ça le purgatoire si vous voulez, lorsqu'il arrive au monde des morts, le plan vital ne peut pas pénétrer ce monde. Par contre, il va se connecter à ce monde des morts et il va s'ouvrir. Et là, toute votre personnalité, vous autres, vous allez pénétrer le monde des morts. Pénétrant le monde des morts, qu'est-ce qui arrive? C'est l'expérience qui pénètre, mais l'identification n'est plus possible. Alors, vous ne pouvez pas vous rappeler de vos vies antérieures parce que vous n'êtes plus. Consciemment. Ce qui va arriver, c'est que toutes les formes d'expériences accumulées au courant de votre vie vont être placées selon leur degré vibratoire. Les peurs vibrent basses, restent bas, c'est lourd. Les joies, ça vibre plus haut, c'est plus haut. L'amour, ça vibre plus haut, c'est plus haut. Et tout va se placer exactement comme si on mélange de l'huile, du gaz, du propane, de l'eau, de l'huile à chauffage dans un verre et qu'on mette de la couleur sur chacun des plans. Alors, même si on brasse le tout, lorsqu'on laisse au repos, les strates de niveau des substances, selon leur plan vibratoire, donc selon leur masse, vont se placer l'un par-dessus l'autre. Alors, qu'est-ce qui arrive? Il arrive ceci. Est-ce qu'on peut dire que maintenant, l'huile est de l'eau? Non. On a toutes des couches différentes. Si je prends un autre humain et que je laisse les couches se reposer, donc il ne vit plus d'expérience, il est mort, et que je prends ce véhicule que je le verse dans l'autre, ce qui est vert va se mélanger, ce qui est rouge va se mélanger, ce qui est jaune va se mélanger, et ça va se mélanger à un point tel qu'on aura deux individus fusionnés dans un. Donc, on n'aura plus deux individus. Le premier ne sait pas, le deuxième ne sait plus, et le tout sait. Mais le tout sait quoi? Il sait qu'il vient d'être créé. Il sait seulement qu'il vient d'être créé. Alors, il pourra s'inventer un créateur s'il en a besoin d'un. Mais c'est une mécanicité qui lui échappe, il vient d'être créé. Alors, il se dit, je suis moi, j'ai. Oui, mais voilà deux secondes, tu étais deux. Et ces deux-là ne sont plus, tu es toi. Et avant que, pendant que ces deux-là étaient, tu n'étais pas. Et maintenant que tu es, les deux autres ne sont plus. Bien mélangé dans le monde des morts. Et c'est quoi le purgatoire? C'est là où tout est éclairci. Oui, c'est là où tout est décanté. C'est là où les mauvaises actions sont séparées des bonnes actions. Effectivement. Et les antiques religions ont toujours prôné que celui qui mourait rejoignait ceux qu'il avait aimés. Oui, parce que les parties de votre joie vont être fusionnées aux joies des autres. Alors, évidemment, tout ce qui s'aime, donc tout ce qui s'attire, tout ce qui a une attraction l'un en face de l'autre, s'unit. Dans le monde des morts, tous les morts deviennent un. Ils sont unis à jamais et pour l'éternité. Mais les parties basses comme les parties hautes deviennent unies. Et là, à partir de là seulement, le principe de la réincarnation doit être envisagé. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il va simplement se passer ceci. Sur le plan de la matière, deux humains manipulés, deux humains qui ont une conscience soit émotive, soit sexuelle, donc un homme et une femme, vont engendrer un corps physique. Engendrant un corps physique, ils engendrent un morceau de casse-tête qui ne pourra être imbriqué qu'à un autre morceau de casse-tête. Tu ne peux pas faire à tout, à un. Ce morceau de casse-tête va attirer à lui quelque chose. L'humain est relié à un principe qui s'appelle l'esprit, quel que soit l'humain. Lorsque l'humain meurt, l'esprit se déconnecte de l'âme. L'âme va dans le monde des morts et l'esprit s'en va dans le plan de l'esprit, dans le monde supramental. Lorsqu'il y a réincarnation, il doit premièrement, ça demande deux choses pour pouvoir créer un être humain. Et ça demande deux choses, donc, pour pouvoir créer une réincarnation. Ce type de réincarnation est une réincarnation pluralitaire. Et l'humain, depuis le début de l'humanité, s'est toujours réincarné pluralitairement. Vous avez toujours été une gang qui vous êtes réincarné dans un corps. Et au long de votre enfance, avant l'adolescence, et c'est surtout l'adolescence que ça va être finalisé, vous allez devoir vivre avec différentes personnalités réincarnatives, un paquet de monde dans votre corps, dans votre conscience, où à un moment donné, vous astinez même vous-même, où c'est que vous n'avez un qui parle, l'autre qui astine, l'autre qui parle, puis là, j'ai deux, trois voix dans ma tête, c'est ça. Et vers l'adolescence, normalement, il y a fusion de ces personnalités réincarnatives, et après l'adolescence, l'humain, il est lui. Dans le sens qu'il n'y a plus de pluralité personnelle chez lui. Alors, après l'adolescence, il est changé. Il n'est plus le même, et c'est normal. Parce que la partie la plus en affinité avec le parent est maintenant fusionnée aux autres. Alors, l'enfant, l'adulte, devient lui. Pour pouvoir permettre la procréation, donc la naissance corporelle ou la réincarnation, ça doit premièrement demander un véhicule. Un véhicule qui aura la faculté attractive, d'attirer de l'esprit. Si le véhicule physique n'a pas la faculté d'attirer de l'esprit, il n'y aura pas de réincarnation évolutive. Il peut y avoir une réincarnation exclusivement mémorielle, une réincarnation biologique, comme les animaux la vivent. Soit dit en passant, les animaux ne se réincarnent jamais en humain, et la métempsychose, la réincarnation de l'humain en animal, ne se fait pas non plus. L'animal n'est pas un être évolutif, l'animal est un être qui est là mécaniquement pour pouvoir entretenir un cadre écologique permettant l'expérimentation de l'évolution de l'humain. Le chat reste un chat à vie, éternellement. Tant que l'humain aura besoin du chat, le chat sera chat. Lorsque l'humain n'aura plus besoin du chat, le chat sera de la matière. Et lorsque l'humain sera capable d'amener la matière à une divinité lumineuse, le chat ne sera toujours pas là. Les animaux évoluent, les hommes s'améliorent. L'animal évolue d'une façon adaptative, l'humain évolue d'une façon adaptative, améliorative. L'animal ne s'améliore jamais. S'il y a du froid, le poil va pousser. S'il y a du chaud, le poil va tomber. C'est de l'évolution. Si l'animal vit toujours dans un contexte humide, il y a des pattes palmées qui vont apparaître. C'est une évolution adaptative, mais elle n'est pas améliorative. L'animal ne devient jamais amélioré. L'animal ne s'entraîne pas. L'animal reste ce qu'il est. Les chevaux, depuis des milliers d'années, à partir de l'Écus, à partir d'avant ça de l'Éoïpus, à partir de la préhistoire, le cheval s'est adapté. Ses pattes, ses doigts, ont lentement été transformés en sabots parce que c'était adapté à sa démarche, au sol sur lequel il allait, au fait qu'il ne montait plus dans les arbres, au fait qu'il n'attrapait plus d'animaux, au fait qu'etc. Bref, tous les herbivores, la grande majorité, sont devenus des animaux qui avaient des sabots. C'est adaptatif, ce n'est pas amélioré. L'animal n'est pas plus amélioré pour autant, il est adapté. Et le cheval, l'écus, celui qu'on connaît, est resté le même, parce qu'il n'y a pas de mutation géologique, il n'y a pas de transformation planétaire, alors l'animal ne s'adapte plus, il reste ce qu'il est. Tandis que l'humain non seulement peut s'adapter, mais l'humain s'améliore. C'est-à-dire que l'humain est rendu à un point où il adapte l'extérieur, il crée des choses, il crée des événements. Il adapte l'extérieur. Seul l'humain est évolutif. Les animaux ne le sont pas et ne se réincarnent pas. Lorsque le corps est créé, lorsque le corps a eu la faculté d'attirer de l'esprit, et l'esprit, vous ne connaissez pas encore ce que c'est, la grande majorité d'entre vous, parce que l'esprit, c'est de l'intelligence. Et lorsque je disais dernièrement que l'être humain n'était pas intelligent, que l'être humain était intellectuant, que l'être humain, regardez c'est quoi l'intelligence, c'est que vu que l'être humain a besoin de penser, vu que l'être humain ne sait pas si l'eau est potable ou non, ben c'est pas intelligent d'être comme ça. Alors l'humain est obligé d'expérimenter, de goûter, d'analyser, et là il saura, c'est de l'intellectuance, c'est relié à ses mémoires. L'esprit, c'est de l'intelligence. L'esprit, ça sait, ça n'a pas besoin de connaître. Elle n'expérimente rien. Lorsqu'il y a de l'esprit qui peut être attiré par ce corps, automatiquement l'esprit descend dans le corps. Le problème, c'est qu'autour du plan planétaire, il existe le ciel. Et l'esprit n'est pas dans le ciel. L'esprit est dans les cieux, mais pas dans le ciel. Lorsque l'esprit est attiré par le corps physique, il descend. Dans sa descente, il s'entoure de tout ce qu'il va rencontrer dans sa descente vers le corps physique. Alors, il amène avec lui une âme. Il amifie le corps, tandis que lui, l'esprit est terrestrifié. Il devient dense, matériel, assujetti aux lois évolutives expérientielles de notre planète Terre. Il est donc terrestrifié. Il est grounded, terrestrifié. Lorsque le corps vient au monde, la personnalité réincarnative, donc les personnalités, pardon, sont là et vont tout faire pour se réidentifier à un tout. Alors l'enfant va tendre à l'adolescence. L'enfant va tendre à devenir un. L'enfant va apprendre à dire « je ». L'enfant va apprendre à dire « moi ». L'enfant va devenir « lui ». Et toute cette constitution égoïque amique va aller à l'encontre de la personnalisation ou à l'encontre de la descente identificatrice, actionnelle de l'esprit. Cela veut dire que lorsque l'humain évolue vers l'adolescence, il lutte contre l'esprit. Lorsque l'humain devient adolescent, il croit avoir gagné contre l'esprit. Alors, il peut dire « je ». Alors, il a des désirs, il a des émotions et il y tient. Et il veut vivre. Oyab, l'esprit. L'âme veut quand même connaître l'esprit, mais l'âme veut surtout connaître l'esprit. L'âme veut rester lui tout en devenant l'esprit. Autrement dit, l'humain, à un moment donné, veut aimer une fleur. Je veux dire, moins stupide comme ça. Il veut aimer une fleur. Et il se dit, moi, je veux ne plus souffrir quand on casse ma fleur. Alors, je veux évoluer à un point où je vais être capable d'empêcher la fleur d'être cassée. Ça, il n'a rien compris. Parce que l'esprit se fout de casser ou de pas casser. Alors, l'humain va évoluer à un point tel où il pourra empêcher la fleur de se casser, ou à un point tel où il pourra en faire pousser plein partout. Mais ça marche pas comme ça. Parce que lorsque l'humain veut faire pousser des fleurs plein partout, celui qui appelle ça du mauvais herbe, il fait tout disparaître. Mais imaginez-vous une vie planétaire où chaque humain a le pouvoir. C'est invivable. Moi, j'aime pas la face, je le tue. Mais lui, avant de mourir, même pas, il me tue. Lui, il revient, moi, je reviens. On recommence. Ça peut pas marcher comme ça. Lorsque le corps physique a une attitude à recevoir une forme espritique, l'esprit descend, elle amène de l'âme, et l'âme va être en conformité avec la génétique du corps physique. Un corps physique ne peut pas attirer une âme qui ne va pas dedans. Alors, lorsqu'un humain naît génétiquement atteint de débilité cérébrale, qu'est-ce que Dieu a foutu comme justice? Rien. Dieu se fout royalement de savoir de quelle façon l'être humain se réincarne ou pas. L'évolution, il est relié à l'humanité. Lorsque les deux parents ont créé un corps génétiquement altéré, ce qui se réincarne dedans est en harmonie avec le corps. Alors, on a un humain parfait. En accord avec toutes les lois de la réincarnation, avec les lois de la naissance, avec les lois de la procréation, avec les lois de la transmission génétique. Donc, avec les lois de l'hérédité. Il est parfait. Maintenant, cet humain a la faculté de s'améliorer. Et parce que l'humain parle et parce que l'humain sait qu'il peut s'améliorer, il se dit imparfait. Et notre problème, vous êtes aussi parfait que vous pouvez l'être, mais ça n'empêche pas l'amélioration. Le cheval est parfait, mais s'il se met à neiger, la peau s'épaissit, s'adapte. S'améliore, dans ce sens. Une évolution adaptative. L'humain, c'est le même mécanisme. L'humain est parfait dans le sens qu'il peut l'être. Le poteau, il est parfait. Mon crayon, il est parfait. Si je veux écrire à l'encre, il est plus parfait. Mais c'est pas comme ça qu'il faut marcher. Mon crayon, il est parfait. Si je veux écrire à l'encre, il m'en faudrait un autre. Votre corps est parfait. Vous êtes des humains parfaits. Sauf que vous vous améliorez pour la simple raison que vous avez une tendance innée, incontrôlable chez vous, à augmenter votre potentiel vibratoire. C'est pas déterminé par votre émotion. C'est pas un désir. Ça se fait. Lorsque l'esprit s'est réincarné, l'esprit, c'est pas vous. Vous en avez un peu. Vous avez un peu de contact avec l'esprit, mais l'esprit, c'est pas vous. parce que vous ne vous identifiez pas à l'esprit, vous vous identifiez aux mémoires, à l'expérience. Lorsque l'humain renaît, il peut avoir l'expérience du tennis. Alors, lorsqu'il apprend à jouer au tennis, il est bon vite. Il peut avoir l'expérience d'un marin. Lorsqu'il monte sur un bateau, il aime ça, puis il découvre. Il peut avoir l'expérience d'un écrivain. Lorsqu'il commence à écrire, il devient bon. Et il peut aussi ne pas avoir l'expérience de l'écrivain. Alors là, il faudra que lui apprenne à écrire. Alors, lui, il faudra qu'il apprenne. Alors, l'élève qui est doué en classe, c'est qu'il a des mémoires expérientielles, pardon, de l'être humain qui a déjà appris pour lui. Et celui qui est là, puis qui n'arrive pas, il faut qu'il apprenne. Eh bien, lui, c'est simple. Les mémoires qu'il constitue n'ont pas l'expérience de ce qu'il doit apprendre. Lorsque l'humain se réincarne, il est jeune, il est enfant. Lorsqu'il est enfant, il est pluralisé. Alors, il a des sautes d'humeur. Alors, il aime ceci, il aime cela, il aime ceci, il change. De temps en temps, une personnalité prend le dessus, de temps en temps, une autre prend le dessus. L'enfant a des cauchemars parce que certaines personnalités se luttent pendant la nuit. L'enfant peut même oublier de respirer parce que l'énergie vitale, l'instinct vital, à un moment donné, on parle d'un enfant très jeune, est tellement occupé à la création de l'enveloppe de l'âme qu'à un moment donné, le bulbe rachidien et le cervelet ne fonctionnent plus convenablement. Alors, il y a différents mécanismes qui peuvent être explicables. Lorsque la réincarnation, elle est faite, lorsque l'enfant commence à grandir, il finit par apprendre à se connaître, c'est-à-dire que les personnalités finissent par s'ajuster. Lorsque c'est ajusté, l'adolescence va les fusionner normalement. Il y a des personnes qui ne sont pas fusionnées par leur adolescence. Lorsqu'on a des adultes qui ont deux ou trois personnalités, telles que connues par la psychiatrie ou la psychologie, des personnalités tout à fait antagonistes les unes des autres, c'est que leurs personnalités réincarnatives n'ont pas su se fusionner. Lorsque la fusion est faite, l'humain devient lui. Et là, l'humain se dit « je veux vivre ». Et là, on recommence. « Je suis un. Et je suis moi. » Comment ça se fait? Je me rappelle pas de ce que j'ai fait. T'as fait trop de choses. Compliqué. T'as jamais tout fait au complet. Tu es un mélange. Mais maintenant, vous êtes ce que vous êtes. Vous êtes un. Mais vous n'avez jamais été tel que vous êtes dans d'autres vies. Alors ne cherchez pas vos vies intérieures. Maintenant, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que l'humain va passer sa vie? Lorsque vous allez mourir, est-ce que effectivement, vous allez encore une fois, être mélangé à tous ceux avec qui vous avez eu affaire ou à tous ceux qui ont vécu des expériences similaires à vous pour disparaître consciemment et vous réincarner encore une fois dans un individu. La réincarnation pluralitaire, elle a ceci de bon, c'est qu'elle permet de comprendre pourquoi il y a des guerres, pourquoi il y a des famines, pourquoi il y a des tremblements de terre massifs sur certaines régions de notre planète, pourquoi il y a des épidémies, pourquoi il faut un apocalypse. Lorsque l'humain vit une expérience similaire, il devient cette expérience. Tous ceux du Vietnam qui, pendant 30 ans de guerre, ont connu la guerre, sont des guerriers. Et lorsqu'ils meurent, ils se fusionnent entre eux, ils s'unissent tous. Ce sont des guerriers, ils ont la même expérience. Et lorsqu'ils se réincarnent, 20, 30, 40, 50 Vietnamiens vont se réincarner dans un Vietnamien. Parce qu'ils sont agglomérés, ils ont la même expérience. S'agglomérant dans un Vietnamien, ils diminuent la quantité de Vietnamiens nécessaires pour permettre l'évolution du Vietnam. Alors, on en tue plein, mais c'est normal qu'on en tue plein. Parce que ça permet à ces êtres humains vivants de se fusionner dans le monde des morts pour se réincarner dans un. Cela permet à l'humain de se retrouver. Présentement, aux Indes, il y aura des épidémies. Et tous les prophètes ont prévu des choses, c'est normal. Un jour, j'ai dit que les élus, les 144 000 élus, contiendront en eux l'humanité. Faut pas penser que les élus vont être élus et que le reste de l'humanité va être envoyé aux enfers éternellement. Non, chacun d'entre les élus sera gobé une partie des presque 6 milliards d'humains qu'il y aura. Alors, à un moment donné, l'humanité sera plus petite en nombre, plus grande en qualité, et vous n'aurez pas de problème de peur. L'évolution réincarnative oblige les humains à vivre des expériences similaires, et c'est pourquoi l'humain ou l'humanité est régi par une évolution collective. Seul l'humain qui vivra une réincarnation d'identité, une réincarnation intrinsèque, une réincarnation non pluralitaire, pourra vivre dans une conscience individuelle. Alors, ça ne sert à rien d'aller chercher l'humain qui est collectif et lui parler de conscience individuelle, de le forcer à devenir individuel dans sa conscience. Lorsque l'on parle d'individualisation de conscience, on ne dirige pas ceux qui sont collectifs. On essaie de faire en sorte de connaître, d'attirer, de pouvoir connaître, de rencontrer ceux qui sont individuels. L'humain qui s'approche de la conscience individuelle est un humain qui s'approche de la réincarnation telle que l'ego de l'humain a toujours voulu l'avoir. Tant que l'humain est collectif, il se réincarne collectivement, pluralitairement. Lorsque l'humain devient individuel, à sa mort, lorsqu'il va se réincarner, il se rappellera de ses vies antérieures et il sera le même qu'à la mort. Et ça, c'est fondamental à comprendre. Maintenant, vu que l'heure est terminée, je crois qu'on va faire peut-être une demi-heure, trois quarts d'heure avant de répondre aux questions, parce que c'est loin d'être terminé, les mécanismes de la réincarnation. Et tu auras tes questions. Merci beaucoup, Daniel. Alors, si vous avez des questions, préparez-vous.